Exercice 2, page 87. A. Espèce. B. Kilomètre. C. Personnel. D. Interdit. E. Saint-Bernard. F. Mexicain. G. Province. H. Agenda. I. Interphone. J. Saint-Germain.